Bonjour à tous, vous écoutez l'émission numéro 29 sur le Terminus. Je m'appelle Jean-François. Vous avez entendu en intro un extrait de 30 secondes de la chanson Who Can Say des Anglais The Horrors. Côté musique, on va entendre aujourd'hui des nouveautés des Blue Seeds, d'Alden Penner, le gars des Unicorns et du groupe Clues. Et on va jeter un coup d'œil à la programmation du plus gros festival de musique de Barcelone en Espagne. On débute tout de suite avec un nouveau groupe punk rock qui s'appelle Street Chant. Ils sont de Auckland en Nouvelle-Zélande et ils ont sorti un premier album, Means, l'année dernière. Voici Less Chat, More Sewing de Street Chant. We'll be right back. j'aime quand tu plies tes bourrelets, j'y bois la paix. Sourire, bastien, beau effet, miroir, dis-moi. The Kills avec la chanson Future Starts Slow de l'album Blood Pressures sorti il y a juste un mois. Avant ça, c'était Sébastien Lafleur avec Ballade Abitibienne de l'album Brûlé qui a été réalisé par le très occupé Navet Confi qui était par exemple responsable avec Géraldine de la musique pour la pièce Ville Morte présentée récemment au théâtre d'aujourd'hui et qui participe ces jours-ci à un opéra rock autour du coloré Clotaire Rapaille. Navet Confi était aussi, faut dire, probablement la meilleure personne pour comprendre l'univers bizarre de Monsieur Lafleur. Et on avait commencé le bloc avec Street Chant, Less Chat, More Sewing, moins de blabla, plus de couture. Ah ben. Et on va poursuivre avec le duo montréalais Solids qui qualifie leur son de garage. Faut comprendre, j'imagine, qu'il s'agit d'une contraction de garage et de grunge qu'on peut entendre sur leur mini-album Generic Dogs qui était réalisé par Jace Lacette, lui aussi très occupé sur la scène montréalaise et qui est sorti en juin 2010 sur l'étiquette Machette Records. Voici donc Whatever and Nevermind du groupe Solids sur le Terminus. Ils viennent tout juste de sortir un nouvel album qui s'appelle Belt of Venus, qui est intéressant, mais manque quand même un petit peu de mordant à mon goût. On entendait Exit Light de la formation montréalaise The Blue Seeds. Tout juste avant, c'était les Norvégiens de Serena Manish, I Just Want to See Your Face de l'album SM No. 2, Abyss in B Minor. Et on avait commencé ce segment avec Solids, Whatevers and Neverminds. Solids seront en spectacle à l'Absinthe de Montréal le 21 mai dans le cadre du Pouza Fest qui tourne pas mal autour du punk. Et vous pourrez aussi les voir à la Casa del Popolo, toujours à Montréal, le 29 mai prochain avec les Grown Ups, une formation punk de Chicago. On poursuit maintenant avec Breakfast of Champions, une nouvelle formation de Boston qui font dans un indie rock assez accrocheur. Ils ont seulement un mini-album de 3 chansons à offrir pour l'instant sur leur profil Bandcamp. J'ai choisi pour vous la chanson The City et on écoute ça maintenant. vous écoutez toujours le Terminus. Nous venons d'entendre dans l'ordre tout d'abord The City du groupe Breakfast of Champions. Ensuite, il y avait Boss Angeles avec l'extrait Beach Slalom qui est disponible sur Bandcamp uniquement. Pas beaucoup d'infos disponibles à leur sujet, sinon qu'ils sont du Royaume-Uni et que les attentes sont pas mal élevées pour la suite des choses pour Boss Angeles. Et ça se terminait avec Disco Las Palmeras avec Los Economistas de leur premier album Nihil Obstat paru cette année. Le groupe provient de Galicia dans le nord-ouest de l'Espagne. Je les ai découverts en parcourant la programmation du festival San Miguel Primavera Sound qui se déroule à la fin du mois de mai à Barcelone en Espagne. Il s'agit d'un des plus gros festivals de musique du pays alors qu'il y a eu 100 000 spectateurs l'année dernière. La programmation est assez variée au niveau des genres musicaux et accueille des gros noms comme cette année par exemple Belén Sebastian, DJ Shadow, Pulp, PJ Harvey, Mogwai, Mercury Rev, Interpol, les Flaming Lips et The National, pour nommer que ceux-là. La scène montréalaise y est également représentée avec No Joy et Soons, mais il s'agit surtout avant tout d'une belle vitrine pour les artistes locaux, comme Disco Las Palmeras qu'on a entendu. Par contre, en écoutant les artistes espagnols présents sur le site du festival, j'ai été un peu déçu de constater que la grande majorité font de la musique en anglais, même s'ils ne semblent pas toujours bien maîtriser la langue, et ça, c'est vraiment dommage. On poursuit maintenant avec le projet solo d'Alden Penner qui a fait paraître un mini-album de 4 chansons acoustiques influencées par la musique de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Penner a d'abord été connu pour sa participation dans les Unicorns, un groupe de Montréal, puis dans Clues qui ont sorti un solide album en 2009. Il semble que les paroles de ce nouveau projet qui porte son nom, Alden Penner, soient influencées par les textes de Baha'i Faith, une religion, selon ce que j'ai trouvé sur Internet, une religion monolithique du Moyen-Orient. On va entendre la deuxième pièce de ce mini-album qui s'appelle The Fountain of Living. Generous giving around the fountain of the living, waters and lovers of the dawn, a home in the house of the Lord, is a question of giving up the world. Without pain, there is no way new life can be born. So forsake your songs and take your past, burn them in the fire. That will last. Plant the flag of victory over self and passion. The time for prayer, renounce the world for the word. There is no time but the time for prayer, renounce the world for the word.

Dernier micro de cette émission, le temps de vous parler de ce qu'on vient d'entendre. Il y avait tout juste avant ma voix, When You Cut Out de Moon Duo, un duo de San Francisco qui fait d'après eux du repeat rock et dont le premier album est disponible depuis la fin mars. Juste avant, il y avait Philippe B avec California Girl, son troisième album Variation Fantôme devrait être sorti au moment où vous allez entendre cette émission, puisqu'il sort le 3 mai. Et la rumeur veut que ça soit pas mal bon. Et ça semble être le cas justement avec ce qu'on a entendu. Et on avait débuté avec The Fountain of the Living d'Alden Penner. Je vous invite à m'écrire par courriel d'abord au info@commercialterminus.ca. Je vous invite aussi à venir écrire quelque chose sur le wall ou plutôt le mur de l'émission sur Facebook ou encore à suivre les mises à jour directement sur Twitter. On va se quitter avec deux chansons, d'abord du groupe de l'Ontario, My Cell Phone is Better Than Your Cell Phone, la chanson I Hated It. Ce groupe-là sonne comme du vieux Pavement et la pièce se retrouve sur la compilation Low Fidelity Living 5 qui est produite par l'étiquette Do It Yourself de l'Iowa Worker Bee Records. Mais tout d'abord la formation Tiny Creatures de l'album Harbors, la chanson Glass Bubbles. Voilà, portez-vous bien, à bientôt. Twisting and turning.